artistes. Et nous accueillons Pauline Junquet. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, tu es artiste, mais musicienne, enfin dis-nous tout, ça sera plus simple. Alors moi je suis chanteuse et musicienne et j'habite à Bayonne. Donc voilà, je suis une artiste qui tourne depuis une dizaine d'années ici au Pays Basque, dans différents endroits, en chantant et en jouant de la guitare. Ouais, et voilà. ton registre, c'est plutôt dans quel style ? Alors c'est très folk parce que je m'accompagne à la guitare, donc voilà, c'est vraiment dans l'idée Bob Dylan, Cabrel, enfin voilà, cette énergie-là, quoi. Ouais. Et donc voilà, je me produis dans différents projets ici, dans la région, et ça m'arrive de jouer un petit peu ailleurs aussi, mais voilà. D'accord. Et ça t'est venu comment ? J'ai vraiment démarré, en fait, quand j'avais une vingtaine d'années, avec le projet Pauline et Juliette. Donc, on était deux jeunes chanteuses, on ne connaissait rien au métier. Et on a commencé à chanter ensemble, Juliette est malgache. Et en fait, on commence à chanter en basque, en français, enfin vraiment des chansons qui nous plaisaient, nous. Ouais. Pour nous, et puis ça a commencé à prendre un petit peu, on a fait pas mal de concerts, on a sorti deux albums avec ce projet-là, et voilà, donc c'est avec ce projet que j'ai commencé à apprendre le métier, à me produire, à dépasser ma peur de la scène, voilà, et ça m'a plu. C'était en quelle année à peu près ça ? On a démarré le projet en 2015 et ça a duré à peu près 8 ans. Ah oui, en effet. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Et donc depuis, en solo ? Alors en solo, après j'ai aussi deux autres projets. Alors vas-y. Alors le premier c'est Aldila, c'est un trio féminin, oui. Avec une chanteuse corse et une chanteuse martiniquaise. Mm-hmm. Et avec ce projet-là, on chante qu'en langue régionale. Donc moi je représente le Pays Basque dans ce projet, donc je chante en basque. Et après avec les deux copines Valérie et Elisa qui viennent de Martinique et de Corse. D'accord, voilà, donc, d'accord. On se produit dans pas très longtemps d'ailleurs à Saint-Sevé. Oui. Pour le festival Chantant sous les pins. Voilà, c'est peut-être la seule date pour l'instant qu'on a dans le coin. Ouais, c'est dans déjà le coin, bien. C'est dans le 40, mais c'est dans oui, le coin. Oui, quand oui, même. On a reçu voilà. Ton ami irlandais, zélandais. et c'est quand alors ? Tu dis dans pas longtemps, mais c'est t'as le la date ? Le 4 avril. Le 4 avril, ah oui, c'est bientôt. Donc voilà, donc là, c'est intéressant artistiquement de partager entre filles aussi et des vécus avec nos cultures et nos langues différentes, et voilà, cette identité-là qu'on veut porter. Et après, j'ai un autre projet d'animation plutôt, où là, on est quatre, on s'appelle Popo and the Papas. Popo and the Papas, il fallait le trouver. et donc là, on fait des reprises, on tourne plutôt l'été, on fait les terrasses de café, voilà, sur le créneau horaire de la P-Hour. Oui. Mais bon, on tourne un petit peu dans la région aussi, voilà, avec ce groupe-là. Alors, qui fait papaz, qui fait popo ? C'est Alors, popo, c'est plutôt moi, puisque c'est Pauline. Voilà, et les papaz, ben, c'est les trois autres monsieur qui sont avec moi sur scène. D'accord. Voilà. Et c'est toujours dans le même registre où il y a des... C'est quand même assez folle quand on fait des reprises. Ouais. Mais bon, les instruments, c'est la basse, la guitare, mandoline. On est deux chanteurs aussi, garçon-fille, sur ce projet. Donc voilà, c'est des morceaux un peu arrangés en mode folk, mais c'est répertoire voilà, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, quoi. On fait un peu un mix de chansons voilà, qui nous plaisent aussi. D'accord. Bon, ça fait déjà pas mal de choses sur les rails. et tu as été comédienne, tu m'as dit tout à l'heure hors antenne. Oui, alors je me suis formée à un moment donné, après l'arrêt... avec Juliette, quand on a arrêté le projet, là j'ai eu envie de découvrir autre chose aussi. Et je me suis formée au théâtre. Alors je suis passée par le Rideau Rouge à Biarritz. Avec Gérard Bagardi. Puis après j'ai été à l'Atelier Rive Gauche à Bordeaux, qui est une école d'acting. Oui. Puis à Lille aussi, dans une école de comédie musicale plutôt. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai testé des choses. Et puis bon, j'ai eu quelques petits rôles par-ci par-là. Après, voilà, j'avoue que j'avais la musique à côté, je voulais pas arrêter non plus, donc bon. Et puis les opportunités sont un petit peu plus rares ici pour tourner au cinéma, donc finalement, bon, voilà. C'est pas faux. Je tourne un peu plus en musique, mais voilà, dès qu'il y a un tournage ou comme ça, j'essaye d'être dans l'équipe. Bon, mais c'est bien, voilà. C'est bien. Et voilà. Donc une artiste, on va dire, éclectique. plusieurs cordes à son arc, hein, entre les différents registres que tu viens d'évoquer. Tu es venu avec ta guitare. Oui, tout à fait. Donc, tu sais que ici, puisque tu connais Julia également, oui, c'est facile, c'est tout à fait. On aime bien les lives. Voilà. Mmh. On a eu Jeff qui était là ce matin, qui a fait également un live. Donc, voilà, donc on aime bien. Donc, je pense que ça serait bien que tu nous en fasses un également. Avec plaisir. Toujours pareil, le temps de s'installer. On marque une petite pause qui ne s'entend pas, puisque je vous rappelle que la radio est sans pub. Mais c'est juste le temps que Pauline prenne sa guitare, la corde s'installe comme il faut et elle va nous faire découvrir son univers. À tout de suite. Avec plaisir. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots, les mêmes mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, oui bien trop beau. Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi, quand on les oublie. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole. Les paroles et encore les paroles que tu sèmes au vent. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux, oui tellement faux. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole. Les paroles et encore les paroles que tu sèmes au vent. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole. Les paroles et encore les paroles que tu sèmes au vent. Je vous le rappelle, elle s'appelle Pauline Junquet et on est que tous les deux, donc... Voilà. Bon, comme quoi, hein, la côte basque, le pays basque regorge d'artistes de talent et qu'il est toujours bon de faire découvrir. Tu avais une anecdote à nous raconter, je crois, avec Francis Cabrel, oui, c'est ça? Bon, déjà, Francis Cabrel, je suis fan de cet artiste depuis que j'ai commencé, je crois, à m'intéresser à la musique. Donc, depuis à peu près mes 13-14 ans, mm-hmm. j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Et c'est mon papa qui est arrivé en me disant « Bon, voilà, j'ai une compile de Cabrel, ça serait bien que t'écoutes si tu apprends la guitare. » Je me suis pas intéressée de suite. Puis après, je suis tombée red dingue de cet artiste. Donc, voilà. Et il se trouve que c'est quelqu'un d'assez abordable qui a monté une association dans son village à Stafford qui s'appelle Voix du Sud et il permet aux artistes de pouvoir se rencontrer, d'écrire des chansons ensemble et tout ça. Donc il a une fondation en fait là-bas ouais. qui fonctionne assez bien d'ailleurs et qui est un passage un peu obligé à un moment donné dans la carrière d'un artiste. Enfin, il y a beaucoup de monde qui y passe, mm-hmm. notamment des artistes d'ici. Et donc, moi, j'y suis passée plusieurs fois avec le projet avec Juliette, puis avec le projet Aldila aussi, donc avec les chanteuses en langue régionale. Oui. Et il se trouve qu'il a été contacté pour faire la musique d'un documentaire sur les langues régionales. C'était, je crois, un réalisateur corse qui faisait ce documentaire. Et puis, il a accepté la proposition. Il a fait une chanson avec... Voilà, il voulait mettre des langues régionales dedans, mais au lieu de les chanter lui, il a fait appel à des artistes de chaque région, voilà, qui voulaient représenter dans cette chanson. Et donc, j'ai été appelée par sa production pour participer à ce titre, donc qui s'appelle Un gramme de terre, et qui est sorti en octobre dernier. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Je ne savais pas, tu vois, j'apprends des choses. Voilà, mais il y a peu de gens qui le savent, mais voilà, c'est ma petite fierté personnelle. Bah oui. J'ai pu rencontrer l'artiste, aller dans son studio, et puis... Et puis passer, travailler avec lui en fait. Voilà. Ah oui, carrément. Donc, ouais. Ouais, donc c'est, voilà, c'est une victoire dans ma petite carrière, je pense. Bah, c'est toujours bon voilà. de le souligner. Et tu parlais de tes deux collègues, deux amis martiniquais et corse. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils vont venir dans le coin? Eh bien, elles vont venir, oui, pour le prochain concert qu'on a à Saint-Sevé. Mmh. Donc, elles vont passer quelques jours sur Bayonne, oui. D'accord. Eh bien, bon. Écoute, les portes du studio sont grandes ouvertes. Si tu veux revenir avec elles, ça sera l'occasion. Tu avais autre chose à rajouter? Profites-en, le micro est à toi. Merci d'abord pour l'invitation. Je trouve chouette ces initiatives de radio libre comme ça sur Bayonne. Donc, je vous souhaite une longue vie. Eh ben, merci. Et merci de faire participer les artistes locaux à ce genre d'émission. Eh ben, merci à toi. Donc, si vous aussi vous êtes artiste et que, comme Pauline, vous voulez venir au micro, n'hésitez pas. Il suffit de nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail à radiocotebasque@gmail.com. Pauline, encore merci. Avec plaisir, merci à toi. Au revoir.